Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado! Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la France de mai 68. Il y a tellement une femme qui est blessée. Nous sommes en plein boulevard Saint-Michel. Et on va essayer de l'évacuer maintenant. Elle a été blessée. Je ne sais pas comment, peut-être par un jet de pierre. Actuellement, les policiers chargent. Et les étudiants sont pris entre deux feux car, venant du bas du boulevard Saint-Michel, il y a maintenant d'autres CRS qui remontent. Des scènes d'affrontement entre étudiants et policiers comme celle du 3 mai 1968 sont généralement les premières images qui nous viennent en tête quand on repense justement aux événements de mai 68 en France. Et on oublie souvent que le mouvement de mai 68 a été beaucoup plus large encore. Les étudiants ont bien sûr été au cœur de la contestation, mais le mouvement ouvrier a aussi été partie prenante de ce printemps français agité qui commence d'ailleurs bien avant mai 68. « 29 heures durant, nous avons livré bataille, pied à pied, dans des conditions difficiles, face à un adversaire tenace, intransigeant, mais tout de même suffisamment ébranlé par la grève générale pour que nous ayons pu lui imposer des concessions. Nous avons lutté pour obtenir le paiement des jours de grève. » Le Conseil national du patronat français a accepté de payer 50% des salaires pendant la durée de la grève avec une modalité de récupération selon les cas. Selon les cas, écoutez. Avec une modalité de récupération selon les cas, et d'après ce qui vient de se passer, ça ne sera pas le cas de chez Renault. Le secrétaire général de la CGT, la Confédération générale du travail, Georges Séguy, s'adressant aux ouvriers en grève des usines Renault le 27 mai 1968 pour nous raconter mai 68, ses origines, la nature de ses revendications et ses lendemains aussi. Je reçois l'historienne Ludivine Bantigny qui enseigne à l'Université de Rouen-Normandie et qui vient de publier 1968, de grand soir en petit matin. Ludivine Bantigny dans nos studios de Paris. Ludivine Bantigny, bonjour. Bonjour. J'évoquais il y a un instant ces images. C'est vrai que c'est ces images qui reviennent tout le temps, ces images d'affrontement entre policiers et étudiants, quand on pense à mai 68. Quelle image la France d'aujourd'hui, Ludivine Bantigny, conserve-t-elle de mai 68? Alors, surtout ces jours-ci, parce qu'il y a un début de mobilisation, des grèves, des manifestations chez différentes catégories de salariés et aussi d'étudiants, on retient souvent, à juste titre, l'alliance de deux mondes sociaux, le monde du travail et notamment le monde ouvrier, et les étudiants et lycéens qui se sont mobilisés. On retient la grève et on retient également les occupations, occupations d'usines, de bureaux, de magasins, de gares, d'universités, de lycées. Ouais. Autre grande question autour de mai 68, ça peut paraître un peu étrange, mais ça vaut le détour. Quand commence donc véritablement mai 68. Durant ces dernières semaines, les incidents répétés et très violents dans des salles de cours, d'examen, dans les locaux administratifs, ont été provoqués par l'action de petits groupes d'individus qui tendent à imposer ici leur volonté par la violence. De leur propre aveu, ils se mettent hors la loi. Leur action vise, de toute évidence, à paralyser et notre enseignement et le déroulement des examens. Ils se livrent à des dégradations du matériel et des bâtiments, dont la réparation exigera des dépenses très élevées. Le doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université de Nanterre, Pierre Grappin, le 28 mars 1968, quelques jours après le lancement du mouvement du 22 mars à Nanterre. On associe souvent, Ludivine Bantigny, le début de ce que va devenir mai 68 à ce mouvement du 22 mars. Dans les faits, quelle importance, parce que ça commence avant, on le verra avec vous, mais dans les faits, quelle importance a Nanterre dans ce que va devenir mai 68? Nanterre, c'est très important parce que les étudiantes et étudiants qui se mobilisent le font à la fois contre la guerre du Vietnam, dans une logique qu'ils appellent à cette époque anti-impérialiste. Ils se mobilisent aussi dans une perspective très anti-capitaliste. Ils mettent directement au cœur de leur programme le rejet de ce qu'ils nomment ou de ce qu'elles nomment le capitalisme assassin. Et il y a aussi des revendications qui touchent directement à l'université, au règlement intérieur des résidences universitaires. Toutes sortes de carcans qui pèsent à l'époque sur les jeunes, notamment le fait que la plupart des établissements sont non mixtes, que les résidences universitaires ne sont pas accessibles aux filles quand il s'agit de résidences de garçons et vice-versa. Oui. Donc il y a une sorte de bouillonnement là, d'internationalisme, de revendications culturelles et sociales, également politiques. Voilà, et donc d'emblée, ce sont des étudiants aussi qui se tournent vers le monde ouvrier, qui disent oui. Nous ne voulons pas être coupés des salariés, notamment des ouvriers. Et c'est important d'entendre parce que, évidemment, l'université sera, la faculté sera éventuellement fermée, donc le mouvement se déplacera vers Paris, mais c'est le mouvement étudiant, c'est à Nanterre qu'il naît. Mais en vous écoutant, on comprend très, très bien que ces étudiants de Nanterre s'inscrivent dans un contexte plus large, des revendications sociales plus larges, et qu'ils sont conscients de, je dirais, la souffrance même du monde ouvrier français de l'époque, parce que ça commence, quand on y voit de plus près, ça commence avant le mouvement du 22 mars, là, ce qui va conduire à mai 68. Absolument, on peut dire un peu banalement que l'année 68 commence en janvier, mais elle commence aussi historiquement en janvier avec la grande grève de jeunes ouvriers à Caen dans certaines entreprises de sous-traitance automobile. Et c'est une grève qui marque beaucoup les esprits parce que non seulement elle est très déterminée, très dure parfois dans les affrontements avec les forces de l'ordre, mais elle est aussi rejointe par des agriculteurs, d'autres salariés, des étudiants qui viennent prêter main forte à ces ouvriers en grève, à tel point que les autorités préfectorales, au plan local, sont très inquiètes et se disent que cette convergence entre des mondes sociaux différents, avec ces affrontements, notamment face au CRS, pourrait tout à fait s'étendre à l'échelle nationale. Et ce sera le cas dans les mois qui suivront. Qu'est-ce qui fait que ces ouvriers en ont assez, décident de manifester? Il y aura même plus tard des occupations d'usines carrément. Pourquoi, dans la mesure où, officiellement, cette France, économiquement, de 1968, elle est dans cette soi-disant période des Trente Glorieuses, Ludivine Bantigny? La Trente Glorieuse, c'est forcément une expression forgée a posteriori par Jean Forastier. Le problème, c'est que les critères pour définir cette gloire des supposées Trente Glorieuses doivent être interrogés. C'est vrai qu'il y a un taux de croissance qui est tout à fait stable, de l'ordre de 5% par an, mais cette prospérité, elle est écornée par des inégalités sociales très fortes. Il y a 5 millions de personnes qui, en France, en 1968, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y a beaucoup de petits salaires également, tout petits salaires. Il y a également un temps de travail qui est tout à fait considérable. On travaille, c'est le pays d'Europe où l'on travaille le plus, la France à cette époque. 46, 48 heures en moyenne, parfois davantage. Voilà, et avec un âge de la retraite qui apparaît comme très lointain, bien au-delà de 60 ans, on est donc très loin des revendications et des aspirations qui s'étaient exprimées sous le Front populaire. Et l'un des autres éléments aussi de cette situation, c'est ce qu'on appelle à l'époque les cadences infernales, les conditions de travail qui sont très rudes, avec une autorité dans les entreprises et notamment les usines qui est particulièrement forte et ouais. Ressentie comme une pression de plus en plus insupportable. Donc un ras-le-bol qui s'exprime aussi bien dans les usines que dans les campus universitaires et tout ça va se déplacer évidemment ça va rester dans les usines, il y aura des occupations encore une fois, mais ça va se déplacer dans les rues partout en France, à Paris notamment. Parlez-nous de la cohabitation, de cette rencontre-là qui fait effectivement, je pense, trembler le pouvoir. Vous l'avez évoqué un peu tout de suite. Ils comprennent qu'il y a un cocktail qui pourrait être explosif. Mais comment ça se passe, cette cohabitation qui peut être étonnante entre ces intellectuels du mouvement étudiant et ces ouvriers des usines françaises? Oui, c'est vrai qu'elle peut être étonnante parce que les étudiants représentent une petite minorité, somme toute assez privilégiée. Il y a moins de 10% d'enfants d'ouvriers qui sont bacheliers et qui font des études supérieures. Donc ce sont deux mondes très différents. Mais il y a vraiment la volonté de la part des étudiants d'être solidaires et donc d'aller sur les piquets de grève. Concrètement, ça se matérialise par un soutien matériel dans les affrontements avec les forces de l'ordre. Ça se traduit également par des collectes de denrées alimentaires avec le soutien d'ailleurs d'une partie des agriculteurs, notamment des jeunes agriculteurs qui se mobilisent également en 68 et qu'on oublie trop souvent. Ça se concrétise aussi par une aide apportée aux familles de grévistes les plus fragiles, notamment les familles ouvrières immigrées. Et enfin, dans les bidonvilles, parce qu'il faut se rappeler, on a évoqué Nanterre il y a quelques instants, il faut se rappeler qu'autour de l'université de Nanterre, il y a des bidonvilles où vivent de nombreuses familles, surtout venues du Maghreb, d'Algérie en particulier, et donc où l'on sent la détresse sociale. Et donc cette solidarité se met en œuvre de ces différentes manières. Et enfin, on pourrait citer aussi tous ces jeunes travailleurs, ces jeunes salariés, notamment ouvriers, qui viennent dans les universités occupées, dans les universités en grève, pour débattre, discuter de sujets de société assez radicaux et profonds. Ce qui fait que mai 68, c'est un mélange de revendications concrètes, parce qu'il y en a, mais c'est aussi beaucoup un état d'esprit, Ludivine Bontigny. Oui, c'est-à-dire qu'on a des perspectives de revendications très matérielles et justement la situation l'impose au vu de ses salaires et de ses cadences et ses conditions de travail. Mais c'est aussi une aspiration à une émancipation, c'est le changer la vie au quotidien. Alors ça peut aller de réformes ordinaires jusqu'à des aspirations révolutionnaires à mettre en cause des conditions de travail, à mettre en cause un régime qui apparaît de plus en plus autoritaire, à mettre en cause non pas du tout le savoir, mais plutôt les modalités de transmission de ce savoir, faire en sorte que le savoir soit approprié de manière bien plus collective. En somme, ce qui est vraiment très fort en 68, ce sont ces solidarités qui posent au centre de leurs aspirations le commun, l'idée de faire ensemble et de vivre ensemble pour une société différente. On est vraiment dans la démarche collective. Le collectif, il est omniprésent. Parlons de quelques dates importantes parce qu'il y a des événements précis qui feront ce que deviendra mai 68. Le 3 mai, on écoutait un extrait au tout début de l'émission d'un reportage qui nous ramenait au 3 mai 68. Que se passe-t-il ce jour-là? Ben ce jour-là, en fait, il y a environ 400 manifestants qui sont présents, notamment dans la cour de la Sorbonne, qui viennent entre autres de Nanterre, mais de la Sorbonne elle-même, qui protestent justement contre la fermeture de l'université de Nanterre, donc ce qui est considéré comme une forme de répression. Et puis finalement, le recteur de l'Académie de Paris, qui s'appelle Jean Roche, requiert les forces de police. Et c'est cette présence policière au sein même de la Sorbonne qui évacue assez brutalement les jeunes manifestantes et manifestants et qui arrête plus de 574 personnes très exactement, suscite une indignation exacerbée encore. Ouais. Et c'est un peu le début de ces manifestations qui auront lieu dans les semaines qui suivent au quartier latin. Le 10 mai, ce sera pire encore. Grande manifestation, très, très durement réprimée par les forces de l'ordre. Ça nous permet de dire un mot sur la violence. Est-ce qu'il y aura beaucoup de violence en mai 68, Ludivine Bontigny? Oui, mais ce que l'on peut constater à suivre les archives policières que j'ai pu consulter, notamment les archives de la préfecture de police de Paris, ici pour le 10 mai, c'est que le niveau de violence est en effet très élevé. Les forces de l'ordre, à ce stade, ne reçoivent pas de consignes de modération et sont priées d'évacuer par la force les barricades qui se sont dressées, qui ont été dressées d'ailleurs par non pas seulement des étudiants, mais aussi de jeunes ouvriers, de jeunes employés, de bureaux, des garçons de café, des plongeurs de restaurants, etc., qui viennent prêter main forte aux étudiants au quartier latin. C'est la première nuit des barricades. Et c'est vrai que la violence est réciproque et la police est très déstabilisée par le savoir-faire et même ce que beaucoup de policiers jugent comme du courage de la part de ces jeunes manifestants. Et chez ces jeunes manifestants, il y a une figure qui va s'imposer, qui deviendra un petit peu le visage de mai 68, Daniel Cohn-Bendit. Le premier mot d'ordre que le mouvement du 22 mars avant est le mot d'ordre d'autodéfense. Et nous l'expliquons. La répression policière est passée d'une répression policière de la rue à une répression policière dans les usines. Défendre les conquêtes ouvrières à l'image des postiers de Rennes se défendant contre la police, se défendant contre les grenades lacrymogènes envoyées par la police pour envahir justement les postes. Daniel Cohn-Bendit, le 7 juin 1968, quel rôle il va jouer concrètement à Cohn-Bendit dans ce mouvement? Puis pourquoi Ludivine Montigny, c'est lui qui devient le visage de mai 68? Bon, parce que c'est une personnalité joyeuse, gouailleuse. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui est entraînant, dont tout le monde reconnaît qu'il a une personnalité très forte et très attachante. C'est un militant libertaire hein, du mouvement du 22 mars, créé donc à Nanterre, du groupe aussi Rouge et Noir. Et donc, sa perspective à lui, elle est clairement révolutionnaire à cette époque. Hein. Il se dit révolutionnaire, anticapitaliste, anti-impérialiste. Il a aussi cette caractéristique d'avoir la nationalité allemande et non pas la nationalité française. Mmh. Ce qui va faire de lui également, du point de vue de ses opposants, notamment du côté du pouvoir, l'ennemi principal en quelque sorte, dans la mesure où il est considéré comme peut-être une des mains qui tire les ficelles, qui est une sorte de complot de l'étranger qui serait régi ailleurs qu'en France. Et d'ailleurs, il va susciter du coup beaucoup d'hostilité, voire de détestation. On peut même parler de haine quand on entend dans certains cortèges gaullistes Cohn-Bendit, Adachau, comme on prononçait à l'époque, hein, Dachau. Donc voilà, c'est-à-dire il y a aussi cette part d'antisémitisme qui peut s'exprimer. Il y a notamment une germanophobie, mais également une part d'antisémitisme qui s'exprime dans certains cortèges contre Cohn-Bendit. Ce qui fait qu'il y aura ce fameux slogan « Nous sommes tous, vous me corrigerez de mémoire, nous sommes tous juifs et allemands ». Voilà, nous sommes tous des juifs allemands, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Parlons du mouvement ouvrier. Si Cohn-Bendit incarne bien le leadership du côté étudiant, du côté ouvrier, bien sûr, il y a les présidents des grandes centrales, mais il y a une figure qui va devenir avec le temps un symbole très, très fort de ce qu'a été... cette grève générale, à compter du 13 mai 68, la France est, pour ainsi dire, en grève générale. Cette ouvrière qui deviendra ce symbole très fort, on ne connaît même pas son nom de famille. On sait qu'elle s'appelle Jocelyne. C'est une ouvrière de l'usine Wonder de Saint-Ouen. On l'écoute au moment où les travailleurs de Saint-Ouen votent pour un retour au travail. Non, moi, je ne rentrerai pas. Non, je ne rentrerai pas là-dedans. Ça, je ne mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Enfin, il y a avec le patron, c'est tout ce qu'il y a à faire, de toute façon, alors. On va pas tout résoudre aujourd'hui. On va y arriver à l'imposer. De toute façon, c'est fini, maintenant, on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron, avec tout le monde. Il disait ça il y a trois semaines et plus un jour. C'est une étape, c'est pas fini. Ben oui, c'est pas fini. Il sait bien ce qu'il a perdu, lui, t'as fait pas mille. C'est pas fini, c'est une étape. Il a dit chez Wonder, ça sera plus jamais comme avant. Tu vois, moi, il faudra que les travailleurs. Vous l'avez dit, ça. Ils y veillent. Premièrement, pour le vote, ils ont fait des saloperies. On le sait, on le dénoncera. C'est une victoire, tu entends. Mais il faut quand même voir, moi, je regarde quand même que le patron, il était amené. Ils ont reculé, ils ont reculé. Le salaire, ils voulaient pas en entendre parler. Il l'augmente de 10%. Les paiements et récupérations des jours d'arrêt de travail, le coût des vacances, qu'ils voulaient vous faire travailler votre semaine de vacances. Il a fallu qu'il recule, 50% même s'il dit de la valeur des heures perdues. Hein? Alors il y a encore des trucs à gagner. La réduction du temps de travail, il a mis. Ouais, mais pourquoi tiens, ils prennent tout le boulot, c'est pour ça les autres. Pour avoir une demi-journée en plus de payer, hein. Mais non. Mais oui, tiens. Pas tous les travailleurs. Ça, c'est un recul. Ouais, mais il y en a pas mal. Les travailleurs qui rentrent aujourd'hui rentrent dans l'unité, oui, bien conscients de ce qu'ils ont fait. Extrait du documentaire de Jacques Villemont, Sauve qui peut Trotsky, qui a été tourné en 1968. Racontez-nous qui est Jocelyne, Ludivine Montigny, pourquoi c'est important et ce que ça nous dit, en fait, ce cri de colère qu'on vient d'entendre juste après. Les ouvriers de Saint-Ouen rentrent, il y aura les accords de Grenelle, mais il y aura beaucoup d'insatisfaction. Elle n'est pas la seule à crier sa colère. Absolument, je suis très touchée que vous citiez cet extrait, que vous parliez de Jocelyne, parce que d'abord, c'est une femme, il faut le souligner, et c'est très important parce que les femmes se sont beaucoup mobilisées en 68. Hein. Elles ont été en grève, elles ont occupé leurs usines, leurs magasins, leurs bureaux, etc. Elles ont été vraiment très agissantes en 68. Et ce que dit Jocelyne là, c'est l'expression d'un désarroi. Je ne rentrerai pas dans cette tôle. Elle décrit en fait ses conditions de travail. Ce sont des conditions, encore une fois, qui sont très rudes dans cette usine de fabrication de piles, en l'occurrence. Et en fait, ce qu'on sent chez elle, c'est qu'il y a une amertume, il y a un ressentiment, une détresse, parce que par rapport à l'ampleur de la grève, de ses occupations, de cette façon de tenir le mouvement, il lui semble que très peu de choses ont été obtenues et que l'autorité patronale, comme elle le souligne, hein, ce patron-là qui ne nous donnera rien, restera la même. Oui. Et il y aura quelques gains, mais qui seront vite effacés. Et en fait, vous parliez de la dureté des conditions de travail. Durant les négociations qui mèneront aux accords de Grenelle, les patrons sont vraiment très, très durs. C'est que malgré ce mouvement de mai 68, les travailleurs sont presque là à quémander. Oui, et d'ailleurs, moi, je parlerai plus de mai-juin 68, parce que, ouais, justement, en juin, la grève se prolonge. Il y a encore des millions de grévistes, 3 millions de grévistes encore en juin. Il y a des morts aussi en 68, en juin 68 tout particulièrement. Et c'est vrai que les négociations qui ont lieu à l'échelle des entreprises, à l'échelle locale, hein, tout au long du mois de juin, alors que la grève est encore sous tension, eh bien, ce sont des négociations qui sont très dures. Le patronat souvent dit, bah, maintenant, vous allez payer votre grève. Hein, vous avez mis en péril l'entreprise, voire l'économie nationale, et donc il va falloir rattraper les jours de grève, il va falloir travailler davantage, plus longtemps, avec des cadences encore plus élevées. Françaises, Français, je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre, par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler. Eh bien non, la République n'abdiquera pas, le peuple se ressaisira, le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République! Vive la France! Le président français Charles de Gaulle, le 30 mai 1968, comment le pouvoir politique va-t-il gérer cette crise de mai 68, Ludivine Bontigny? Ce qu'explique très bien les conseillers de l'Élysée, c'est qu'il est très difficile pour le pouvoir, quel qu'il soit, de maîtriser l'alliance d'un mouvement ouvrier et d'un mouvement étudiant. Et donc, il y a une volonté de dissocier les deux, et c'est la raison pour laquelle il s'agit pour lui de négocier au plus vite avec les confédérations syndicales de salariés, donc ça sera en effet Grenelle, et de l'autre côté, de réprimer tout ce qui regarde encore la grève, tout ce qui concerne encore des entreprises ou des universités en grève. Donc, il y a à la fois ces négociations et cette répression, puisque tout au long du mois de juin, encore une fois, il y a beaucoup d'endroits où il y a une répression très forte. Par exemple, à l'usine Renault de Flins, dans les Yvelines, un mort, un lycéen. Le lendemain, 12 juin 1968, deux ouvriers qui meurent à Sochaux lors de l'assaut des CRS. Donc il y a ce mélange des deux situations. Et puisqu'on entend aussi très bien dans le discours du général de Gaulle ici, c'est l'acte politique de dissolution de l'Assemblée nationale pour organiser des élections législatives, reprendre la main de cette manière, canaliser la grève en ouvrant la brèche électorale dans laquelle vont s'engouffrer la plupart des organisations politiques, d'ailleurs. Oui. Et je pense que, puis on peut terminer avec l'héritage, mais faire le pont avec ce qu'on vient d'entendre, ce président de Gaulle, l'héritage de mai 68, c'est peut-être le début de quelque chose d'autre, de neuf. C'est, pour lui, il est dépassé. C'est le début de la fin. Il va s'en rendre compte lui-même. Je ne suis plus l'homme de la victoire de 45. La France est ailleurs. Oui, ce que ressentent les responsables au pouvoir, que ce soit de Gaulle ou Pompidou, d'ailleurs, c'est une sorte de crise existentielle, hein, presque la vanité du pouvoir, comme le dira Georges Pompidou dans sa correspondance. Et ce qui reste, c'est vrai, c'est que les gens qui se sont mobilisés, les quelques 10 millions de personnes qui ont arrêté le travail en 68, c'est le sentiment d'avoir relevé la tête, le sentiment d'avoir exercé leur esprit critique, leur esprit d'indépendance d'esprit, en occupant leur lieu de travail, en considérant que tout n'était pas acceptable, et en réfléchissant encore une fois à un autre avenir, d'autres conditions de vie, de travail, de quartier. Donc il y a énormément de projets qui ont été forgés en 68 et qui ont laissé des traces évidemment dans les existences et à titre collectif. Ludivine Bontigny, historienne, maîtresse de conférences à l'Université de Rouen-Normandie, auteure, je le rappelle, de 1968, de Grand Soir en Petit Matin. Merci infiniment de votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.